épistolaire que solaire, lunaire ou planétaire. J'aime mieux le système épistolaire, périscolaire. Périscolaire, épistolaire, mieux que planétaire. Expliquez-nous ça, c'est quoi ça? J'aime mieux passer par l'écriture que regarder les étoiles ou imaginer des oui. choses que je ne connais pas. Je ne suis pas du tout astronaute ou plutôt ok astrologie, mais pas trop astronomie. Voilà. Ah donc planète, non. Planète Terre, voilà. La planète Terre où il y a de l'eau, en ce moment oui. il commence à faire chaud, donc ça va être agréable de pouvoir se baigner un peu. Aller à la piscine ou bien dans des étangs ou là où on a une étendue d'eau, voilà. Et quel système c'est le meilleur pour vous, épistolaire ou périscolaire ou... Épistolaire. Épistolaire, ouais, c'est-à-dire... Il y a des livres où il y a des lettres, des fois, qui sont imaginées entre des gens, qui ne sont pas des lettres qu'on écrit des gens à des gens, mais des gens qui ont laissé libre cours à leur imagination pour faire croire qu'ils écrivaient à quelqu'un. Parfois c'est dans des livres, il y a des morceaux comme ça, des bribes de phrases, des bribes de lettres, que chacun peut s'approprier un peu 5 secondes, quoi, oui. puisque c'est pas écrit pour quelqu'un en particulier. Ah ouais, ouais. Et vous envoyez des lettres à qui? Moi j'en envoie pas des lettres, mais j'aime bien écrire des bouts de lettres que je peux coller à d'autres bouts de lettres, et comme ça c'est envoyé à personne du tout. Ça peut être dispatché dans un ouvrage, tu vois, d'en mettre 3 phrases là et puis 3 phrases plus loin, avec ouais. des phrases qu'ont écrites d'autres gens. Et après, comme ça, chacun peut s'approprier les phrases qui lui parlent le plus. Oui. Donc on envoie une lettre comme ça là, au hasard, oui, comme vous voyez. On envoie des lettres et après on fait des collages. Vous le faites sur le papier. Chacun peut s'approprier. Moi j'aimerais bien qui change la nuit en jour. Waouh, c'est une phrase à vous ça? Non, c'est pas de moi. J'ai mis ça dans un truc d'un poème en bas. Et je me dis que si chaque jour, chaque nuit peut micro, être micro. Une longue journée qui est une fête. Voilà. Ouais. Chaque jour, chaque nuit, une longue journée qui est une fête uniquement. Comme on disait un ami, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire la fête. Voilà, ouais. Pas de nuit, juste les ouais. journées 48 heures, on fait la fête. Voilà, bonjour. Même dans sa tête seulement. Ouais, asseyez-vous, prenez place là. Merci Magali, hein, c'est super intéressant ce que vous dites. J'aimerais bien qu'on puisse faire cet exercice à la radio aussi. Donc voyez, même vous pouvez prendre des feuilles. Vous pouvez on prend des ciseaux. Ouais. Vous voulez des feuilles? Là il y a des feuilles. Là il y a des feuilles, prenez. Ça parle à des gens, ça parle pas à tout le monde. Prenez le micro. Il y en a une pour chacun. Après. On a des micros pour tout le monde. Il a signé, il se concentre parce qu'il va le système solaire après, tout à l'heure. Pas tout de suite, quand il veut. Et voilà, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Votre prénom, j'ai oublié. C'est Doumia Souliman. Doumia Souliman, ça va? Oui, ça va. De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, Doumia Souliman? Non, je dis pas mauvais. C'est pour saluer tout le monde. Oui. Je vous dis, c'est un bon jour pour moi. C'est un bon jour? C'est un bon jour pour moi. Parce que ce jour-là, j'ai perdu ma maman. Ça fait 10 ans aujourd'hui, j'ai perdu ma maman. C'est un bon jour pour moi. Je salue toute la population. Je respecte tout le monde. Demain, je passe devant la juge. Je ne sais pas ce que la juge va dire de mon affaire. Bon. Demain. Demain, vous passez devant les juges. Oui. Bon, madame la juge, vous écoutez Souliman, là, il est de bonne foi. Et donc, il faut vous prenez soin de lui parce qu'il a perdu sa maman. Et quand même, ça touche, ça, C'est une blessure quand même. Il faut se remettre de perdre sa mère. Mmh. Hein. C'est quelqu'un qui nous a envoyé, amené au monde. Mmh. Voilà. Donc, on a. Bienvenue à la radio encore une fois. Mmh. On a. Sandra. Attendez, Sandra, je fais votre micro qui fait plus. C'est quoi, quel numéro là, à le micro ? 4. Allez-y. Sandra. On a Sandra. Sandra Yvonne, c'est ça ? Oui, Marie-Yvonne. Sandra Marie-Yvonne, qui va nous parler aujourd'hui de ? Des enfants. On va nous parler des enfants. Sandra Marie-Yvonne, qui prend soin de nous tous parce qu'elle nous a fait du café. Elle regarde un regard bleu qui nous calme, qui nous transporte, qui nous amène loin dans la paix de l'humanité. Voilà, et c'est Ina Signor qui va nous expliquer mieux. Ina Signor, tu peux dire bonjour. Bah, aujourd'hui, j'ai mis du poids ici, ça fait du bien, ainsi de suite. Voilà, Ina Signor qui est là. Il y a aussi JF. Qui, tu peux donner le micro à JF, s'il te plaît ? JF, que ça fait un mot. Bonjour. Voilà. JF. Bon pays, bonne humeur. JF, ça fait un fondateur de la radio. Ça fait ces 2-3 mois qu'il ne vient pas. Et là, je suis très ravi parce qu'il nous a fait à tous une lecture de tarot avant. On n'a plus de pire. Putain. Ah, c'est bon. Désolé, hein. Désolé, les filles. Bonjour. Tu vois la misère. Ah, quelle galère. Asseyez-vous à la place pour tout le monde. Il faut s'installer parce que sinon on va jamais. T'as fait la séchou ? Oui, c'est chaud. Je vais prendre le verre. Ah ben voilà. Voilà, on reprend. Allô, allô, on reprend Radio Métanoïa. On était en une petite panne de matériel, donc on fait un appel à tous les donateurs de matériaux qu'ils peuvent nous donner. Allez, JF, tu continues s'il te plaît, c'était la batterie qui s'était coupée, tu peux nous dire... La voyance, je vous dis, la voyance astrale, dans les actes, mais ça va changer. Je pense qu'avec un poutine, il va changer une gamelle. Poutine va changer une gamelle, de toute façon. Pas possible. Il a eu trop d'un coup de pouvoir, Poutine. Vous m'écoutez ? Ouais, on t'écoute. Donc là, pour lui, ça va bien, mais ça va pas aller comme il voudra. Bonjour, c'est Alain. Je passe le bonjour à Hélène qui peut-être m'écoute. Voilà, bonjour Hélène. Je te rassure, tu es bien sûr la bonne émission. Voilà. Bisous. Et tu veux dire quelque chose ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que je vais bien, que je me suis fait tirer les cartes tout à l'heure. J'ai appris que j'étais riche, ça fait plaisir. Je vais devenir riche, quoi. Quoi c'est peut-être la richesse d'esprit, hein ? Peut-être la richesse d'esprit, ça serait bien. Ça. C'est mieux. Il y a une chanson de Johnny Cash qui dit qu'il n'y a pas un homme riche sur 10 qui a l'esprit satisfait. Alors, merci Alain d'être là. Alain, oh là, qu'est-ce qui te passe ? Non. Je vais écouter mon émission de mon bureau, s'il vous plaît. Attends, mais on a le problème des piles encore. N'importe quoi. Heureusement, parce que là, on a une panne de piles. J'y m'en vais, je reviens. Pardon. T'as besoin de piles encore ? Encore, oui, 4. Voilà. Alors, vous voulez vous présenter ? Tu as un micro là. Tu peux te servir un verre là ? Là, tu as un verre. Oui, voilà, vas-y, tu peux. Allez-y, on est de retour sur Radio Métanoïa, on était perdu, on revient. Bonjour. Bonjour à tous. Attends, tu peux lire quel numéro le micro ? C'est le numéro 3. 2, je crois. 2. Attends, parle. Un, deux. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, c'est Cécile. Cécile, ouais. Cécile, Loïc. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible, mais on a présenté quelques titres. C'est pour ça que je suis sur la route, parce qu'il ne m'assoit pas. Mais c'est vrai en plus, hein. Deux titres. Il y a 20 ans, à l'école de police, je ne voulais pas m'asseoir. C'est pour ça qu'ils m'ont soigné. Parce que c'est d'une. Je ne voulais pas m'asseoir avant d'un coup. Ça a changé tout ça, parce que sinon... C'est beau, maintenant. Et ensuite, une pensée classique. Tu crois que c'est possible de mettre un bouteille sur la version? Du coup, je laisse la radio en parler, tout simplement. Oui, si on... Du coup, je disais que vous pouvez être compté deux titres, si c'est possible. Oui, c'est possible, ouais. Tu veux montrer quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais présenter un titre qui s'appelle L'histoire d'un père génial. Oui. C'est un hommage à mon père, que j'ai chanté. Et ensuite, une autre musique qui s'appelle Dune. Oui. Un hommage à Dune, enfin un hommage, une référence à Dune qui était là la précédente émission. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, si on va montrer ta musique une fois qu'on finit les tours de table, là tout le monde va se présenter. Si, tu as un mini jack pour installer la musique, tout bien ça? Bien sûr, j'ai un téléphone. Ouais, ok, super. On a aussi Inès. Bah dis bonjour, tu dis bonjour, non? Tu n'arrêtes pas des bonjours? Bonjour Inès, comment allez-vous Inès? Bonjour au micro Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Inès est timide. Ouais. Allez Inès, allez. C'est pas grave, t'as pas grave. Je ne parle pas avant. Pedro va parler. Bon, il y a Pedro, c'est bonjour, là. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue à l'émission de Radio Metanoia. Merci beaucoup. Bienvenue au nouveau et au futur chroniqueur et chroniqueuse de la radio. Ouais. Inès a une prédilection dans le monde culturel, musique et l'expression artistique. J'aime beaucoup la musique. J'aime la musique de rap français ou des enfants. Les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Qu'est-ce que selon vous est bon pour les enfants? Le soutien. Les conseils. Les règles à suivre. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la bonne évolution. Et surtout, je t'en prie. Le savoir-faire. Le savoir-faire de qui? Des enfants? Voilà, leur apprendre la justesse de la vie, la vraie vie. Ah, c'est très important. Distinguer les choses bonnes et les choses mauvaises, n'est-ce pas? Donc vous avez fait le plus rapide, parce que j'ai commencé par vous demander ce qui est bon pour les enfants. Ce qui est bon pour les enfants, vous me répondez, c'est distinguer ce qui est bon par eux-mêmes, du mauvais, des écarts. Et vous avez reçu tous ces enseignements pendant votre enfance? En fait, c'est à l'arrivée de mon neveu, débordé, et puis à sa naissance, sa mère s'est occupée de lui. Et petit à petit, j'ai eu l'instinct maternel, en fait. J'ai commencé à m'en occuper. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, un enfant, c'est une force, c'est quelque chose que. C'est une évolution, c'est une évolution. Bravo, merci beaucoup pour votre intervention très utile pour la communauté et pour la culture générale. Je passe la parole à notre prestidigitateur. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Pour les enfants, c'est que je voudrais vous avoir, les enfants. Quand vous êtes entouré d'enfants, vous avez la joie. C'est que de tous les côtés, ça vous ballonne, ça vit. Vous voyez, c'est vie. Et ça vous donne la vie en plus. Moi, j'en ai pas, mais personnellement, quand je vois les enfants, ça me donne la vie. Quand je vois Pedro, je trouve qu'il est mort. Parce que je suis vieux. Non, parce qu'il n'a pas d'enfants. Ah. Qu'est-ce que tu sais? J'en ai plein dans mes placards. Les âmes, il faut être tranquille. On a besoin de calme, des dieux, c'est tout. Une âme, c'est un enfant. Il reste pas dans la nuit. Lui, il est grave chose. Il est passé. Mais encore, on peut. Et un ou deux qui ont un sens, c'est pas mal. Et un pote, c'est pas mal. Et pas, c'est pas bien. Il faut, c'est une autre chose. Parce que le meilleur, c'est le meilleur, le meilleur. On est un an. Et lui, il y en a un an, c'est une des choses vraies. Merci Julien. C'est super Julien ce que tu dis. Oui, c'est... Tu peux nous dire un peu plus? Non, en fait, dans les anciens, c'était que si on prend un américain, on peut récupérer dans tout le monde. On peut pas aller sans contrat. On est un homme, les enfants les jeunes. On doit apprendre par nous-mêmes. Et si on est puni, c'est pas pour une fois. C'est à cause de certains. On peut nous montrer. On peut la commencer. Tout le monde. Prenez. Je veux dire. Il y en a un qui est avec. Il y en a un qui est avec. Il y en a un qui est avec. Le problème, c'est. Qui est énervé là? Qui est la personne énervée? Moi? Non, une personne qui va pas aller. Ici? Non, bon, j'ai 4 ans. Bon, alors, tous les énervés, asseyez-vous parce qu'on a commencé l'émission. On est le. On n'est pas Hervé? Hervé ou énervé? Mauvaise blague. Voilà, on se présente. Bon, alors, merci Julien, merci pour ça. Et Sandra voulait dire quelque chose? Attendez, je n'arrive pas à entendre votre voix. C'est quel numéro votre micro? C'est le 4? C'est le 4. Allez-y. Moi, je voulais dire merci d'être là, parce qu'on est toutes des âmes bienveillantes. On veille sur chaque personne, sur nous-mêmes et sur les autres. Et on essaie d'apporter la lumière à chaque être que nous sommes. Et il faut qu'on essaye d'aider les autres, à aimer les autres et à faire en sorte que même si l'un est dans la détresse, on essaie de le sortir de la détresse parce que c'est nous-mêmes qui sommes dans la détresse. Et faire en sorte d'être quelqu'un de bienveillant pour les autres et aider, surtout aider parce qu'on ne sait pas quand quelqu'un va mal, mais on le ressent. On peut ressentir facilement. Et aider la personne à aller mieux. Et si la personne va mieux, nous aussi on va mieux. Oui. Oui, en fait, parce qu'on est en collectif. Et donc chacun de nous, c'est une partie d'un corps collectif. Exactement. Donc si l'autre ne va pas bien, moi aussi je ne vais pas bien. Tout à fait. Si le monde ne va pas bien, moi aussi je ne vais pas. Donc c'est pour ça qu'on change le monde pour qu'on puisse aller mieux. Tout à l'heure, JF Océane, il nous a fait une lecture de tarot chacun pour qu'on s'aille nos amis dans l'esprit pour pouvoir être au top de notre concentration pour commencer l'émission de radio. Voilà. Je voulais dire, ouais, allez-y. Est-ce que tous les matins, pour une douche, c'est la méthode de conversion. Connect. Ça réveille le matin. Ça réveille. Ça réveille. C'est une nouvelle dynamique mentale. Vous entendez là? Allez-y. Quand il fait chaud, surtout pour les enfants, quand ils sont petits comme ça, ouais. On leur demande, on demande à ce qu'on mette des toilettes légers sur leur tête pour ne pas qu'ils attrapent chaud. Et leur donner à boire parce qu'ils se déshydratent très vite avec la chaleur. S'ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils peuvent se déshydrater. Ouais, surtout là qui commence l'été. Là commence l'été, là il fait chaud. Pensez-vous à bien hydrater vos enfants? À hydrater vos enfants. Ouais. même si vous n'avez pas d'enfants, hydratez vos enfants. Hydratez même les enfants que vous n'avez pas. Ou les enfants que vous avez dans votre tête. Mais Julien, il veut dire quelque chose, on entend comme ça chuchoter. Super Julien, tu as vu, tu as mis un peu d'effet. Ça fait comme une chanson, non? Tu peux refaire quand tu veux. Je te mets un peu d'effet et on lance. Après, on met un peu de musique, on met un peu de rythme. Quand tu veux, on est là. Tous les mercredis, tu viens et on fait la musique. Justement, là, je vais passer à notre musicien de ce mois-ci qui nous a montré, la semaine dernière, nous a montré des super créations, son album qui est sorti. La semaine dernière, il va nous parler de cette nouvelle création de Seol. C'est Seol, hein, son nom. Seol, son nom d'artiste. Vous allez sur SoundCloud, il va tout nous expliquer, il va nous mettre un peu de sa musique. Seol, tu peux présenter ton thème? Merci d'abord pour le thème principal de cette musique. C'est un hommage à mon père qui s'appelle L'histoire d'un père. Et du coup, que j'ai composé hier. Donc, je vais vous la passer dès à présent. On est parti? Ouais, attends, vas-y. Tu l'envoies? Ah oui, il faut juste que je. Tiens. Merci. Ce Seol, hommage à son père, composé juste hier. Vous voyez, c'est frais là. Radio Métanoïa, c'est frais. On n'est pas mort, on est vivant. Camille, ah, attends, est-ce que je vois si les élèves. Normalement, ça va marcher. Attends une seconde. Ça marche pas. Ah, ils nous ont fait de la prévention. Tu l'as retrouvé, non? C'est pas la prévention. Ah, d'accord. Thank you. Merci beaucoup pour cette musique qui est un hommage à vous-même. Vraiment un père génial, hein. Malgré qu'il ait été dans sa maladie, il est bipolaire. J'ai connu mon père petit, j'ai pas eu l'occasion de le connaître du coup, j'ai pas pu parler avec lui et comprendre réellement comment il était et comment il vivait sa maladie, il vivait sa vie en général. Donc je me suis un peu permis de parler en son nom dans cette musique. Et je pense que ça a fait bien qui il était. C'était une bonne personne. C'est le numéro de. Il mérite d'avoir une chanson pour lui. Bravo. Merci. Bravo. Du coup, pour l'autre musique, j'avais décidé de passer June qui n'est pas là, mais je la passerai quand elle sera là, du coup. Ou peut-être que je peux la passer maintenant. June, c'est une personne qui était présente la dernière fois. C'est une femme que j'ai rencontrée. Très gentille, très élégante, et dont je vais vous faire partager le morceau donc que j'ai composé pour elle. Attends, Docteur Moyer. Comment ? C'est qui ? June. Ah, prends le micro, faut passer. Apprends à le micro. Qu'est-ce que tu veux dire, Alain ? Ouais, je vais rien dire, arrête de m'afficher. Si. Ah, si. Ça va bien, ça fait. Il y a un micro là-bas, hein. Attends, là. Attends, là, tu veux parler là. Ouh, vous avez un micro là, il y a un micro là, il y a un micro là. Il a signé, prendre un micro là-bas, c'est toi là. Et toi là. Je viens à peine de sortir. Tu l'as composé aussi cette semaine ? Ouais, tu es fort. Et tu travailles ici ? Tu travailles ici en bas ? Non, tu n'es pas placé ? Chez toi ? Quoi ? Viens ici. Laisse le micro là, il y a un autre micro là-bas. Comme ça, Magali peut parler là, il y a le micro 2. Tu peux brancher Magali si tu veux le micro là, comme ça tu parles. Tu veux le chanter un peu ? Tu es si libre, libre comme le sable des dieux. Tu es un bonheur. Assieds-toi, Sénio, vas-y, parle. Tu nous parles du système solaire un peu. Ne laisse personne marcher dessus. Ne laisse personne dicter quoi faire à propos de nous. Nous sommes libres et fiers d'être aussi sensibles. Nous vivons les moments comme si c'était les derniers. Et oui, tu as raison, les pires moments, on les vit comme si on allait y rester. Mais je te promets que tout passera. Tout finit par s'arranger. Tu es si libre, si libre comme le sable. Tu es Tu es si gentil, gentil et si élégante. Oui, il faut pas à tous les auditeurs de Metanoia. On a JF Ocean de retour à la radio. Donc si vous voulez appeler au 06 58 49 01 01, on peut vous faire la voyance astrale en direct parce que JF Ocean, il est en forme là aujourd'hui. Ça fait 3 mois qu'il venait. Donc il nous a lu à tous le tarot. Et après on aura Paul qui va nous faire un live expérimental. Tu veux le faire tout de suite pendant que c'est prépare. Vas-y, prends un micro là. Attends, c'est quel numéro ce micro? Ça c'est le stress. Tu quoi comme numéro le micro? Alors c'est le. C'est effacé, c'est pas grave. C'est le 7. Non, 2, vas-y. Allez, alors. C'est bon? Alain, attends, essaye pour voir si ça marche. Essaye sur les micros là, parle un peu, voir si ça fonctionne. Allô? Non, c'est pas ça, allô? Vas-y, allô, vas-y. Allô, vodka? Allô, vodka? Allô, vodka? Allô, allô, allô, moi c'est là. Allô, continue. Ouais, là je te suis. Je crois que c'est ça, hein. Attends, essaye. C'est bon? J'arrête pas d'entendre bien. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ça. Oui, c'est marqué 1 sur le truc. C'est 1, alors, bon, c'est les 1. Ouais, 1. Ok, alors c'est moi. Vas-y. C'est bon? Ouais, là c'est bon. Je rime, je frime, mon casier est clean. Si je passe à radio, Metanoia, c'est parce que le psy m'a dit qu'il s'en fout des lois. Ouais. C'est Paul Dumazo. Hein, avec tout ça. Merci pour les livres que tu nous as donnés. Il faut que je l'apporte à la radio. Là, j'ai toujours assez. Ah, mais j'en ai d'autres, t'es mieux. Ouais. Paul, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes pensées, tes choses? Non, moi je parle en rime. Tu veux pas la faire plus lentement? Oui, peut-être. Les 4 rimes. Vas-y, Paul. T'as entendu tous les mots. Ouais. Tu peux parler un peu plus. Non, mais après, je t'ai pas envie de faire. Non, mais je vais bien faire là. Tu as super fait, oui. Non, mais c'est excellent, c'est précis. Mais on a. J'ai essayé de trouver un test. Ouais, ok. Avec des... Julien, tu veux. Julien, mets-toi là-bas ou. Ouais, je voulais prendre un café, sinon. Attends, on a la plaque pour tous les noms. On commence à être petit, mais. Ignacino, tu veux dire quelque chose? Je te pose des questions et tu sens des choses. Prenez un micro, Magali. Ben oui, hein. Magali. Tu peux poser des questions, Fouguille. Prends le micro. Ah, tu peux poser une question, tu peux répondre. Magali, tu prends ce micro-là, s'il te plaît. Je réfléchis là. Bon. Allez, on a un programme, on voulait. Le bouquet, je connais. Pendant que la voyance se prépare, on va. Et est-ce que vous voulez. C'est Yvonne, avant c'était Sandrine? Non. Je suis mauvais avec les prénoms. Sandra, Yvonne. Sandra, Yvonne, vous voulez nous parler un peu d'autres choses aussi? Nous continuons à parler de choses vertes qu'on voulait. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte, s'il vous plaît? Parce que là, il y a trop de bruit. Il y a des gens qui téléphonent et qui lui posent des questions de voyance. Ouais, s'ils veulent l'appeler à mon téléphone, là, ils vont faire des questions de voyance. Et mes amis, tous les amis qui écoutent Metanoia, vous appelez sur mon téléphone et vous passez en direct. Il y a Jean-François Océane qui peut vous lire le tarot. C'est super. Voilà, la voyance, comme on appelle ça, l'astrologie astrale. Ouais. Donc, allez, mais avant un message de Sandra à toute la planète. Allez-y. Oui, tu vas sur le voyage, là. J'ai un petit message. Vous aimez entre vous. Soyez gentils entre vous. Pensez toujours que l'amour est plus fort que vous. Et pensez toujours à la paix et que positif, parce que la loi d'attraction, c'est ça. Quand tu penses du bien, le bien t'arrive. Et si tu penses quelque chose de mauvais, le mauvais arrive. Il faut penser que des choses bien. Et voilà. Pensez, et toujours penser positif. À que des belles choses. Que des belles choses et des choses à vivre. Et toujours penser que même si on est au bout du tunnel, il y a la lumière. Et penser toujours positivement. Qu'il y a toujours une solution, quoi qu'il arrive. Et penser, ne pas penser négatif, mais que positif. Et les choses vont s'arranger. Hey Sandra, c'est toi qui étais là tout à l'heure ? Micro. Ah, je t'ai pas salué parce que je t'ai confondu avec Madame Barry. J'ai l'habitude qu'elle soit près du café. Ouais. Mais je t'aime beaucoup, bien m'enlèvement, ma chérie. Hein. Non, excuse-moi, j'ai pas regardé, mais t'es mon ami, moi. J'ai confondu avec Barry, c'est pour ça. Bah ouais, parce que je suis passé comme si je l'avais pas vu. Oui, j'ai entendu ça. Parce que d'habitude, c'est elle qui sert le café. Je vais regarder vite fait, tu vois. D'accord. Ça va mieux ? Ça va mieux. Et est-ce que c'est mon profil à l'avocat, ton mari, qui a fait tes enfants ? Oui. Parce qu'ils m'ont confisqué le téléphone. Je t'ai aidé quand même un peu. Tu m'as beaucoup aidé. Ouais, bien. Il a fait nécessaire ? Oui. Parce que moi, tu m'as étonné. Tu t'as demandé ta carte et sorti. Oui. C'est lui qui a fait nécessaire. Oui. Ils m'ont confisqué le téléphone pour ça. Oh, non, mais je l'ai récupéré. Voilà, j'ai fait le minimum. Bon, j'ai pas de courage physique, j'ai un courage politique. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai du courage physique. Merci. C'est toi qui t'as fait sortir avant mon casse-tête. Tiens, excuse-moi, Antoine. Oui, merci beaucoup Sandra pour ce message à la planète en fait. Si on pense ces choses, la planète va changer. Donc si on se donne 10 secondes par jour pour penser le mieux pour la planète, peut-être les choses vont changer un jour. Se concentrer. Elle parle aussi des humains. Micro. Elle parle aussi des humains. Là, le micro est à côté de toi, Marie. Il me semble que tu parles aussi des humains qui doivent avoir un meilleur comportement les uns vers les autres pour porter la bienveillance, l'amour fraternel entre chacun. Et on s'entraide, c'est l'entraide. C'est l'entraide. Parce qu'il ne faut pas laisser un au bout du chemin et avancer. S'il tombe par terre, relève-le. Et moi, ça se relève tout seul. Tu relèves toi. C'est comme un enfant. Il tombe, tu tends les bras. Tu relèves pas. Ben, il va se lever. Mais il faut l'aider. Justement, rien qu'à lui tendre les bras, il va se lever. Il va se lever. Ça, c'est sûr. Bon. Ouais. Attends, on a l'astralité, mais ce sera une assignation. Mais oui, Ignacignon, le système solaire, là, tu me laisses toujours, la colonne système solaire, chacun a une colonne, là. Lui, il a toujours l'astrologie astrale, il tient sa colonne, Sandra, je ne sais pas comment tu vas appeler ta chronique, mais chacun a sa partie, Pedro Serra, il y a sa partie culinaire qu'il va aller faire tout à l'heure, Magali... Moi, j'ai déjà parlé du système un peu... J'adorais ce que tu as dit au début. Est-ce que tu pouvais nous relancer un peu ? Mais il faut que tu prennes le micro, parce que sinon, on n'entend rien. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Si, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Ouais, moi, je parlais du système un peu d'écrire des lettres, système un peu épistolaire, que souvent, il y avait des recueils, que ça peut être des biographies ou des trucs comme ça, qu'en fait, ce n'est pas des biographies forcément, c'est des bouts de lettres copiées-collées, et qu'ainsi, on peut faire des lettres qui peuvent parler à chacun, chacune, à chaque individu sur Terre, que ça soit une fille ou un garçon, sans que ça vienne de personne, parce que si on prend plusieurs bouts de lettres, qu'on les coupe et qu'on les colle, et ben ça fait une lettre particulière pour chaque humain sur Terre, une lettre qui vient de personne en particulier et qui s'adresse à personne en particulier, mais qui parle à chacun, et ou qui peut parler à tous, ou qui peut parler à un ou à une seulement sur Terre. Wow. J'aimerais bien qu'on puisse faire ça en concret, qu'on s'envoie des lettres et qu'on fasse ce genre de pistolet. Alain. Des cartes, l'ancien dieu qui débute, que tu, en deux, quand c'est vrai le feu, je me pose sur un cabine, habite entre les bœufs, je mets un spiff de bœuf entre les lèvres. Et si tu l'autre, gars, on me tue pas de cartes, gars, car j'ai moins de câble, je t'ai pas d'arbre, c'est pour bien que tu ferais d'une barbe, gars. Voilà, mon premier freestyle, que je resserre à toutes les sauces, que j'ai composé dans les rues de Manhattan quand j'avais 17 piges, dans ma tête. Et j'étais tout fier. Et je suis toujours tout fier. C'est dû au stress, c'est dit, busy, busy, mind, shake, you shine, easy, easy, flow, let it blow, don't mind, make you pop. Soon as the trouble thickens, I write rhymes smoother than Dickens. Spike all the sides, maybe then no chickens. Fight like the fire glistens. Rachel, like Coppola in the kitchen. Kitten, I'm not kidding, let's walk the extra mile down to the extra small as I'm sinking into that thing. Baby, let's ball, let's have a ball. Shady, you bet you got the whole picture, not at all. Deceived, you might lose it all. I'm writing it now that I think of it. I might as well cop a brick and sell it into little bits. Cause what I've written, no good hits. No splitting chicks, no biopics. No, just an old Z movie flick in a room where nobody sits. Oh boy, you're a toy toy, eating like Japanese, eat soy soy. Busy, busy, my shady shine, easy, easy flow, let it blow. No night, make you bow. Nice. Oui! Alain, en force là. Alors, Astrologie Astrale, soit vous appelez au 06 58 49 01 01 et on peut vous faire l'astrologie astrale avec Jean-François Océane en direct. Soit vous écoutez la lecture qu'il va faire à Magali, c'est ça? Magali, tu veux dire? Attends. Ouais, vas-y, vas-y, viens. Quand il débite son flow, c'est pareil. Il y a des mots qui parlent à certaines personnes, des mots qui parlent à d'autres. Des fois, on ne comprend pas tous les mots parce que c'est en anglais en plus. Oui. La deuxième partie. Mais il y a des mots qui parlent à certaines personnes, des mots qui parlent à d'autres personnes. Voilà. Ouais, les mots. C'est joli, votre théorie. Même juste un mot, des fois. Micro. Même juste un mot, des fois, qui parle à une personne sur Terre. Oui, c'est-à-dire qu'un mot peut parler à multiples personnes. Ouais, ou seulement une. C'est quoi les mots qui t'ont parlé? Attic. Quoi? Les coups. Attic, tu vois dans le grenier. D'accord. Oui. Et. Okay. Paul. Attends, ne tire pas parce qu'il découvre okay. T'es mes cages, moi je n'ai que pour vous dire, j'ai perdu le tchéchal, il m'a donné que j'ai tout matché, il y a rozumé, tu m'y es. Ouais, c'est bon. Radio Metanoia à fond là aujourd'hui dans des langues, tout le monde parle dans des différentes langues et on arrive à l'astrologie astrale. Attends, je vais installer le micro comme ça. Il faut que tu mettes le micro. Mets le micro là. Voilà. Comme ça, tu es libre et tu parles. Tu bats les cartes. Tu les bats, tu arrêtes de prendre envie. Tu lui coupes de la main gauche. De la main gauche. Merci, Denis. Mais t'as le monde à toi. Une certaine sagesse que tu entends. T'as quel âge? 48 ans. Pas plus. Ouais. T'es très juste envers ta main. Trop. Assez de défaut. Tu es tellement le vous que tu tombes dans l'excès. C'est là. Ok. C'était le poil, non? Non, t'as déjà la salle devant nous, tu l'as réussi. Ce que je veux dire, c'est est-ce que je vais réussir à chasser la peur? C'est un truc qui m'occupe de la suivante. Hé Martin, C'est un phénomène. Là, ta radio, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Vous n'avez pas ça, ce que vous dites. Vous les battez. Vous les battez. Vous battez les cartes. Non, mais je vous promets, c'est ce que vous avez fait. La peur des gens. On est là tous les mercredis. D'accord, ok. Tous les mercredis, en anglais. Voilà, c'est le mercredi. Je vais aller chercher le médicament. Vous choisissez 5 cartes. Et vous dites la main gauche, vous la main gauche, vous dites la main. Je vais rentrer. Ouais, je crois que tu vas rentrer. Comment je vais prendre le médicament, ça va faire du bien. Vas-y, ça va me. Parce que là, c'est trop. C'est trop. Moi, c'est pas difficile pour vous. Tu veux mettre une musique? Il y a un peu d'argent qui rentre. Je sais pas si on Tu veux mettre une musique? Effectivement, il y a une fête ici quand la. Faut qu'on prépare un truc, on l'a pas. Vous allez recevoir de l'argent, un peu d'argent, et continuellement pour réussir moi. Mais le monde, vous avez le monde, vous brassez du monde. Mais c'est énormément. Même si les gens ne connaissent pas, eux, ils connaissent. Mais par contre, vous êtes à la nuit. Pourquoi la nuit? La nuit représente la lune, les pourparlers, ce qu'on dit sur vous, mais pas en bien. C'est les loups, ça parle en mal, ou les mauvaises pensées que vous avez par vos gens. Ok? On dit mettre de l'eau dans votre vin, votre tempérament, vous n'êtes pas facile. Vous repartez comme sexuellement. Enfin, personnellement, au milieu des cartes, c'est de la sexualité tout ça. D'accord. Et cette histoire de peur, alors elle va fuir. C'est la peur de la sexualité. C'est un peu ça. C'est un peu commun. C'est un peu normal de tout ça. Vous êtes seul en plus. Vous êtes seul. Vous marquez. Moi, je comprends pourquoi. Deux minutes, s'il te plaît. Vous êtes seul et vous dirigez par vous-même. Vous ne comptez que sur vous. N'est-ce pas? Ah oui, quand même. S'il y a de l'argent, vous avez brassé de l'argent. Vous allez vous enrichir au niveau de l'esprit, seulement l'esprit. L'esprit, vous allez vous enrichir avec l'esprit. Je vous passe la tête ça. Mais vous allez vous enrichir monétairement grâce à votre esprit. Prends le micro là. Je suis désolé, je suis l'astral parce que moi j'arrête après. Mais laisse-le parler, il a. Ouais, bah, moi je m'en fous. il est en plein de concentration là. Deux minutes. En deux minutes, Ignacio, s'il te plaît. Deux minutes. C'est bon, c'est bon. Non, tu vas lire parce que c'est important ce que tu dis. C'est de la sagesse là. L'amour, parce que vous êtes amoureux. Vous savez, vous avez mis à la nuit votre amour de l'être humain. Parce que vous avez peur de l'être humain. Vous franchissez la porte, mais toujours en sagesse. Bon, parfois, il faut forcer la porte. Vous repartez en tout cas sexuellement, vous repartez avec un. Non, il n'y a pas de monde d'avoir de la sexualité. Alors là, il me dit, vous aurez des soucis, vous avez des soucis de rapport entre être humain parce que vous ne savez pas Vous ne savez pas gérer vos émotions devant les gens. C'est ça plutôt. D'après moi, c'est vos émotions. Quand vous approchez quelqu'un, vous ne savez pas comment l'aborder. Alors vous l'abordez avec sagesse, mais la personne peut-être elle n'est pas très, pas très nette. Et vous savez comment gérer la situation. Mais le problème, c'est que vous avez peur. Et la peur, ça va le faire. Il faut gérer la peur. Il faut savoir ici, mais il faut savoir gérer la peur. Bon, ben, je vais faire le total. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 60. 60. 65. 65. 69. 70, 71, 72. 73, 74, 75. 75, 75, 14. C'est ça. 12. 12. J'ai répondu à ça. Comment? Ça vous attend. Il faut me mettre de nouveau dans votre dans votre caractère. Parce que je n'ai pas un caractère. Mais quelle signe a choisi? Bélier. Bélier? Pas comme moi. C'est pas facile les béliers. Non. C'est des coups des battants. Ça fonce, ça se casse la gueule, ça se ramène. Tout le temps. Voilà. Ouais. Merci, merci Jean-François. Ignacio, c'est à toi. Ignacio, je voulais dire un truc sur la. Attends, on n'entend plus rien. Pourquoi on n'entend plus rien? Si, c'est bon. Non, Ignacio, nous voulait nous dire un truc sur la sexualité, mais c'est un peu arrêté. Donc, pendant qu'il revient, on va. Tu veux nous mettre en musique, là? Présente la musique que tu viens. Du coup, c'est Siol, et du coup, la musique que je vais vous mettre s'appelle C'est pas normal. Et je parle des violences conjugales envers les femmes. Et ce qui est incroyable, c'est que Sandra et moi, nous avons joué hier une pièce de théâtre en improvisation où on parlait des violences conjugales. Et cette musique-là, je l'ai composée le jour même avant même de faire la pièce de théâtre. Tu composes tous les jours C'est comme ça que tu vas arriver à faire un truc. Je sais pas, mais en tout cas, si. J'essaie de composer. C'est comme ça, Vas-y. C'est parti, je le lance. Encore Siol, vas-y. C'est moi. Oui, Siol, c'est la troisième composition qu'il nous présente aujourd'hui, parce qu'il compose sans cesse. Et Radio Métanoïa, et après, il y a Alain qui va faire un freestyle. Jean-François, à mercredi prochain, j'espère. C'est un plaisir d'avoir reçu. Bye, ciao. Ignacio, on a 2 minutes. Lâché. Cette cigarette, qu'est-ce que je regrette? sa parole, elle est hyper limpide et donc un peu sans équivoque, sans ambiguïté. Et c'est un style hyper limpide et pur. Et vraiment, j'accroche beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Oui, oui. Merci énormément. Alain, tu veux dire quelque chose? Je veux mettre une musique. Je veux mettre une musique. Bon, vas-y, mais il faut que tu donnes à ouais. Lui et... Bah, tiens, je te passe le code. Paul. Merci. Paul, tu nous dis un truc avant de chauffer. Voilà, il y a certains qui cherchent l'inspiration là dehors. On est à 3 minutes qu'on finisse la radio, mais bon. Tu sais, si on cherche l'inspiration, merci à toi. Merci. C'est super, il faut que tu viennes. Tu viens tous les mercredis nous montrer ta musique, c'est excellent. Je pensais ne même pas venir aujourd'hui parce que j'étais en forme de psychologie collective. Je pensais ne pas pouvoir venir aujourd'hui parce que j'avais une information collective pour ma formation. Et finalement, j'ai eu le temps. Et du coup, je suis très content d'être là parmi vous. Et volleyball. Et c'est aussi important que ta formation. Oui, je devais y aller. Et je suis content que ça s'est fini assez tôt pour que je puisse venir ici. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir écouté la musique et d'avoir donné vos avis. Et merci à toi. Donc Magali. Merci Magali. Merci à tout le monde. Merci à Sandra. Voilà. Donc tu vois, je suis pas un père si détestable que ça. Vas-y, Paul. Paul de Rezo qui a trouvé l'inspiration. Les psychiatres pompent la sécu. Le salaire de moyen d'un chef de service est 6000 doses contre le paludisme. Ouais, Paul de Mezouk qui nous amène comme ça. Pas mon nom. Ah d'accord, ah oui, c'est un autre. Oui, je me rappelle pas qui s'écoutait quoi ton nom déjà. Faut qu'on trouve un autre nom. Là. Oui, faut qu'on trouve un nom à la radio. Mais c'est exact ce qu'il dit là. Il a trouvé l'inspiration de ça. Et là, on va finir avec une chanson avant de nous rencontrer mercredi prochain. C'est Alain qui va nous mettre quoi? Stéphane Marley. C'est le fils de Bob? Et il y a des histoires comme quoi c'est pas vraiment son fils. Donc c'est le... Il y croyait. Il était sincère quand c'est sa daronne qui lui a monté le chou à ce qu'il parle. Bon, alors Bob, aide la planète, allez mieux. Il n'y a plus rien qui me donne. Il finira sur mon président, mars 2 de Pâques. Peut-être parce que sur la radio. Vous avez un accent quand vous parlez. On ne comprend pas trop, non? Pour rien. C'est de quel pays déjà? Chili. Ah, c'est pas mal. Vous savez, j'avais un pote du Chili. Ouais. Mais lui, il n'était pas du bon côté. Son père, il a eu l'asile politique parce qu'il était médecin sous le gouvernement Pinochet. Pinochet, c'était un dictateur, non? Et en tant que médecin, il a dû faire des trucs pas très bien, quoi. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Pourquoi tu dis qu'à la radio on est des... On ne veut pas? Non, parce que c'est la radio de Serra, c'est contre Serra, c'est pas contre la radio, c'est contre Serra. Je ne peux pas l'avoir entendu en le maintenant, on le reste à chaque fois. On a fait un foot ensemble, ça passe, on a fait une radio, ça passe, mais dès qu'on est en entretien thérapeutique, thérapeute, ça passe pas. Moi, j'ai le choix du praticien, c'est marqué dans le code de déontologie et il ne veut pas le comprendre. Il est en bas, Ognisso? Je ne sais pas, c'est qui Ognisso, je ne vois pas que c'est. Ça s'appelle... C'est pas Madame Paris. Bon, on va l'aider là, surtout. C'est fini la radio? C'est fini, ouais. Je peux finir le café ou vous allez le jeter? Non, finis-le, mais prends pas. Tu peux mettre dans la bouteille? Prends pas trop, hein, sinon tu vas être. Bah, je suis en sevrage alcoolique, le café, ça me place. Je passe de l'alcool, mais c'est le café. À moins que quelqu'un en veut un, non, tu prends pas un café? Prends pas tout, prends un peu. Vous allez le jeter? Non, on va pas le jeter. Là. Ah bon? Bon, bah, j'en prends un peu. Ouais. Prends un peu, quoi. Ouais, je vais en laisser. Parce que tu sais, les cafés, quand même, ça énerve. Hein. Non, mais vous allez en boire ou vous allez le jeter? On va le vous allez le boire? Oui, ça reste pour vous, que les gens sont là. Ah bon? Non, mais arrête, prends pas tout, il y a du pot. Un peu? Non, mais tu vas trouver un petit peu pris, tu vas bien un peu trop de pot. Ça marche, ok, je m'en vais. Sinon, après, tu vas être trop énervé, tu sais, le café, ça va. Non, parce que le café, d'un jour à l'autre, il faut en refaire pour le lendemain. Ou en faire pour chaque jour. C'est pas bon. Bon, bah merci Martin. Merci à toi pour la. Plaisir, c'est ouais. Que tu dis quand tu joues, non, on est là. T'es à vélo ou t'es à pied? À pied, tu on y va? Ouais. Ok. Merci Alain, ton téléphone est là. Qu'est-ce que vous faites, Julien? Bon. Tu es un peu tristoun aujourd'hui, toi, non? Ouais, je vais pas de temps là. Ah. Elle viendra de moins en moins parce qu'elle a fini son stage. C'est pas vrai. Ah, je suis désolé. C'est bien Martin. Martin, oui, c'est là. Mais bon, j'essaie de suivre, mais c'est galère. Non, c'est pas grave, tu le mets comme ça. Déjà que ça t'approche, c'est pas mal. Oui, tu le mets à côté, c'est juste ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Chloé. Elle te félicite, hein, si tu continues comme ça, composer tout le monde, tu vas arriver loin. Hein. Je sais pas, mais oui. On sait pas réellement. C'est comme ça. Aller, mais... Non, mais c'est ça, il faut insister. Il faut insister, il faut tenir. Et un jour, tu auras. C'est vrai. Un jour, tu auras 40 ans et tu te rendras compte que ça fait 20 ans que tu fais ça et que les gens commencent à te reconnaître. C'est vrai. On n'est pas tort, c'est vrai. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les musiques que j'ai plus récemment, je commence à écrire les textes. Ouais. J'écris vraiment ce que j'écris les textes. Oui,